Alléluia. Josué 7, Campeche, Emblematic Studio, STA. Alléluia. Campeche. Will I wear my memos? I found strava, you got divini boss. I found square, you got fin by exhaustion. I found multi on question, I mean you petit, you baby. Will I wear my memos? Malada, onde esca sentiu a dança, mãe. Subri em vossa ambição, baby, sei que essa mãe. A capote, jo, tu le YouTube, la bague, ela mãe de mãe. Pica fome, café, la jambi, ou se andou, toi. No capote, gamo, pro flex, a hotel, pa, andou, toi, te dou, toi. Baby, se o paca com a reval. Amizé, se o anca, coé, anca, o aue, se leval. Café femme, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ça qu'attend. Nous voulons tout tout de suite, pas ni temps pour payer attendre. Pour moi ou pour ja baby, y'en faut ou pas revendre. C'est vrai pour faire l'argent, la ri la canitension. Mais fait travail là et en péqué, posé au pont question. Ou sa que si ou la pas tourné, nous travaille pression. Pas ni je que le mec que stop les pensions. Vous et moi nous qui fait juste un nous péqué ni dentier. Big up chinois blanc, reveille tous mes avocats. Baby, faut rêver, moi, à tout pas, moi, t'es mes hantiers. Alléluia, pour tout gok, à souris, va dans calcier, mon calcier. Ou Olex, non, pas ni pour babiller, c'est habillé. Un damier Louis V. Gucci, c'est fresh maquillé. Papier, un poche là, il a nous qu'à remercier. Pour être un peu, y'a lui, n'a pas nous pas te remercier. Oui, ou là, on voit, moi, moi, moi. I found strava, you got divini boss. I found square, ou pas fin, pas exaucé. I found multi. I'm pushing what I mean, you pity you, baby. Emblematic Studio, all beat chiquili, wild pa, mamas afa.